l'actualité. Bonjour, ici Dominique Lelièvre et les informations à CKRL. D'abord, la population de Québec peut être fière de l'histoire de sa ville et de son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est la raison d'être du gigantesque médaillon de bronze qui était officiellement inauguré ce matin sur le parvis de l'Hôtel de Ville, 8 mois plus tard que prévu, puisque de légers retards dans la livraison de l'œuvre ont forcé à attendre le passage de l'hiver pour en faire l'installation. Le maire de Québec a expliqué que deux raisons l'ont poussé à commander ce médaillon au coût de 65 000 $, rendre plus accessible et attrayant l'Hôtel de Ville et mousser l'histoire de Québec comme attrait touristique. On voulait que les gens s'approprient l'Hôtel de Ville. On voulait que ce soit accessible pour les gens du quartier tout d'abord et évidemment pour les touristes. Je pense que la place de l'Hôtel de Ville est un immense succès. Il faut voir l'été, les enfants courir entre les jets d'eau. L'autre constatation qu'on a faite, c'est que, et je me suis fait rappeler lors de mon dernier voyage à Paris, alors que j'ai dîné avec Mme Lynn Beauchamp, qui est déléguée du Québec à l'UNESCO, il deviendra délégué du Québec à Paris, en France, elle m'a dit que nous ne profitions pas assez de notre statut de ville sur la liste des lieux ou des villes du patrimoine mondial, et elle a raison. Toutes les villes dans le monde qui sont membres de cette liste-là en profite énormément comme attrait touristique. Mais elle m'a juste rappelé quelque chose que je constatais. Avec ses 3 mètres de diamètre, l'œuvre illustre les grandes étapes de l'histoire du Vieux-Québec, comme lieu de pouvoir, avec ses fortifications, comme ville institutionnelle ou encore comme ville portuaire, avec ses navires historiques. Et puis les chiens dangereux de type pitbull seront bannis du territoire de la ville de Québec dès le 1er janvier 2017. Le maire de Québec en a fait l'annonce ce matin via sa page Facebook. La ville avait promis d'agir rapidement dans la foulée du décès tragique d'une femme de Montréal attaquée par un pitbull. Le règlement adopté par le comité exécutif s'apparente beaucoup à celui en vigueur à Lévis depuis 2013 déjà. On a décidé qu'il n'y aurait plus de pitbull sur le territoire de la ville de Québec à partir du 1er janvier 2017. J'ai réfléchi en père de famille. Si j'avais des enfants à maison et que mon voisin possédait un pitbull, comment je me sentirais? Je ne me sentirais pas en sécurité. C'est aussi simple que ça. Et ça veut dire donc que dans les prochains 6 mois, les propriétaires de pitbull devront régulariser leur situation, c'est-à-dire se départir de leur chien. Et le règlement va entrer en fonction, encore une fois, le 1er janvier 2007. Il fallait que ça se règle. Il n'y avait pas ni un ni deux. Aucun équipage québécois ne sera présent sur la ligne de départ de la Transat Québec-Saint-Malo le 10 juillet prochain. Le participant Éric Tabardel a annoncé aujourd'hui qu'il devait se retirer. Faute d'avoir pu amasser l'argent nécessaire, il avait besoin de 80 000 $ pour faire la traversée en voilier et à coût nul. Il explique avoir cherché en vain l'appui d'un commanditaire principal. Il lance maintenant un appel aux autorités politiques pour que cela ne se reproduise plus à l'avenir. Trop peu, trop tard, c'est ainsi que l'homme a qualifié l'aide gouvernementale qui lui a été offerte. À Québec, on a 20 degrés et c'est plein soleil. C'était Dominique Lelièvre pour Les Actualités à CKRL.